Yeah. SLM Record, yo. Lever les ancres, monter les voiles, la nuit est belle pour naviguer. La terre en approche qui brise le large, mais pas question de dériver. La tempête approche, aucun moyen de la semer. Ouais, y'a rien dans les poches, allégé pour mieux voyager. Le vent s'engouffre dans les voiles, 18 nœuds vers ma destinée. Pour voir les mondes et paysages que petit j'aimais dessiner. Oui, j'ai pris le temps de prendre l'air, j'ai capté l'instant à ma guise. Qu'importe les regrets, j'ai le courage dans mes valises. J'ai parcouru les terres et les mers, survolé des mondes éphémères, et peu importe ce que le vent m'apporte, je l'accueillerai de mes deux bras. Les douleurs et les joies, ce que l'univers m'offrira, boy. Les douleurs et les joies, ce que l'univers m'offrira. Depuis le départ, je me tape des barres, regardant le monde s'enfoncer dans le noir. Je veux pas de ceci, moi je me tire de là. Tapez votre vie, mais ça sera sans moi. J'ai levé les voiles, et levé le camp. Hors de question de rester dans les rangs. J'ai viré la barre, droit sur le néant. Dès à présent, je vis au grand vivant. Plus beau là-bas, la la la la la la la. On ira là-bas, la la la la la la la la. Voir si le monde est plus beau là-bas, la la la la la la la. À l'abordage de l'avenir, moussaille, on reste fort et vaillant. Et peu importe les obstacles, faudra défier les éléments. Y'aura de là où les décreux, mais reste droit. Nombreux seront les mirages pour te dévier. Alors bats-toi, va chercher ce que tu n'avais pas, découvrir ce que tu ne sais pas. Même si la mer te paraît calme, méfie-toi. Peut-être qu'après cette vague se cache le tonnerre. Oui, crois-moi, jette une bouteille à la mer. Le destin la repêchera. Écris avec ton cœur et le courant te guidera. Oui, dompte l'air durant des heures et oublie la brume et le froid. Une vie, on n'en a qu'une, ne la gâche pas en restant là. Why? Je ne sais pas ce qui est bon pour toi, seule l'histoire pourra guider tes choix. Oublie le mépris, embarque la joie, tout reste possible si tu gardes la foi. Oui, lève les voiles, lève le camp, hors de question de rester plus longtemps. Virons les amarres et quittons le port, suivons l'étoile direction. On ira là-bas, la la la la la la la.